mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom-tom. Si j'ai tapé du mic, flash, fly. Je ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom-tom. J'en fais un pour du tétan. Mes fils au diable du mic, ambiance les bad boys et les dames. Feeling pas, c'est pour le vrai caméléon, c'est WAM. Opérationnel sur scène, j'aime quand la foule m'acclame. La musique, c'est ma clame. Je testerai une connerie, pas tu me fais gonnerie. Wazy, MC, voilà ma catégorie. Reste correct ou je te corrige. J'kiffe la phrase épicée sur la piste, les mises bouge, c'est terrible. Moutazi, qui est vas-y, apprécie. Si, si, la réunion jusqu'à Massy. Je veux voir toutes les têtes bouger de haut en bas. Je veux voir tout le monde se check, même ceux qui s'entendent pas. Je balance juste à lui, t'es les bimbo crack. Et ouais, j'ai le style qui fait faire les bambos clac. C'est pour les travailleurs et les petits chétans. Demande à DJ Dan, c'est les rap, c'est du judo, nous on a toutes les dames. Bon, tu ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom. Comme si les diables du mic flash. Tu ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom. C'est DJ Dan, dégage, pétage, balance un couplet de barre, je crache, je suis coup du spectacle, fais netto le pétard. Attends, je me prépare à l'X-Cut, le beat, je tire un peu sur la zèbre et je te pose la fin de mon beat. L'ambiance est fat, on est en transe, les gars, ouais, c'est nous les patrons, 91 fait mal, on a passé un stade, on veut tracer un chemin, y'aura pas de place pour tout le monde, mais l'équipe s'installe. Qui se place, place, qui veut nous dépasser, passer, personne nous remplace, place, les bouches, on va classer, classer. Légendaire et classique comme Stan Smith, classe, toi tu peux nous botter cul, qui c'est Stan Smith. La boîte est remplie de mafieux pleine à craquer, c'est gaffe à CR que tu gères, tu peux finir au parqué. J'aperçois que sauce qui craque sur mes contours, d'aller ton platine, les sons et ton combat. Tu ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom-tom. Signé diable du mic, flash, fly. Tu ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf install. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre au dom-tom. Signé diable du mic. Ici la plage, leur bonde me manque. On a le manche, ça fait boum comme une bombe à retardement. Pour nous, c'est l'extase, vous connaissez les bails durs de remettre de leur club sur l'éclat. Je demande à DJ Dan, on a les idées larges à Malfaya. On essaie tous de monter les marches. Dans ce beat, j'ai les pensées libres, mais le monde tease et mes mots vont faire danser l'île de la réunion. Je prouve qu'on a le move. À chaque rime, biatch, boost ton boule, viens me faire une petite gâterie. T'as l'air sympathique, mais c'est jouer la nana speed. T'as le déranger qu'il faut, on a le banana speed. Ce soir, on ambiance les ghetto youth et les dames. Le tout mixé par DJ Dan. Le beat, faut qu'on le calme. Le titre, faut qu'on le gagne. 9-20, c'est l'équipe, reste tranquille ou on te calme. On est là et on est venu pour se mettre high. L'équipe est au complet, tout, mais bon, on la dalle. Dans la boîte, quand on arrive, direct, on s'installe. Ça et les loups sont lâchés. On est là et on est venu pour se mettre high. L'équipe est au complet, tout, mais bon, on la dalle. Bon, bon, clap, taille. Tu ne peux pas t'aider quand mon équipe s'installe. Entre dans la vibe, c'est du neuf, un style. Comme petit freestyle, puis j'ai des dames de descendre comme toi.